s'est sucé tard la nuit. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Andy aime les sucettes à la nuit, les sucettes. Ses grands yeux.